Maintenant, je marche peu et je fume beaucoup. Avant, je marchais beaucoup et je fumais peu. Maintenant, je mange peu et je bois beaucoup. Avant, je mangeais beaucoup et je buvais peu. Maintenant, je travaille beaucoup et je lis peu. Avant, je travaillais peu et je lisais beaucoup. Maintenant, j'ai une grosse voiture et je conduis lentement. Avant, j'avais une petite voiture et je conduisais vite. Maintenant, je vois mal et j'entends mal. Avant, je voyais bien et j'entendais bien. Maintenant, je suis gros et je fais peu de sport. Avant, j'étais mince et je faisais beaucoup de sport. Maintenant, j'ai peu d'amis et je suis pessimiste. Avant, j'avais beaucoup d'amis et j'étais optimiste.